السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc nous sommes réunis au Merkez Le Furqan pour certains d'entre vous et pour d'autres via la radio du Merkez Le Furqan pour un rappel qui a pour titre comment concrétiser la piété pendant le Ramadan. كيف نحقق التقوى في شهر رمضان. Et ce rappel, ou cette allocution, c'est en fait à la base une allocution d'un cheikh yéménite, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui s'appelle cheikh Abu Abdirrahman Fahd ibn Salim al-Sulaymani al-Adani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ce cheikh fait partie des gens de science qui ont été tués au Yémen lors de la bataille de Aden, qu'Allah lui fasse miséricorde et accepte son martyr. Et donc ce cheikh, il a fait une allocution qui a pour titre justement comment concrétiser la piété pendant le Ramadan, pendant le mois du Ramadan. Et il dit, rahimahullahu ta'ala, dans ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, nous allons nous rappeler mutuellement une affaire dont nous avons tous besoin. Nous demandons donc à Allah le Très-Haut de nous aider et de nous faciliter d'accéder à la vérité à ce sujet. Cette affaire est la suivante. Il se peut que quelqu'un dise, Allah le Très-Haut dans son noble livre, ce dont la traduction du sens est, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et c'est la traduction du sens de Surat al-Baqarah, verset 183. Donc notre Seigneur veut de nous par le jeûne, par le siyam, que nous concrétisions la piété, at-taqwa. Il se peut donc que quelqu'un dise, comment pouvons-nous concrétiser cette piété? كيف نحقق هذه التقوى? Et cet objectif, qu'Allah nous a ordonné, surtout pendant ce mois illustre et béni, الشهر المبارك الجليل, le mois de Ramadan, الشهر رمضان, ce mois de pardon des péchés. La réponse est Allah Azza wa Jal, A'la wa A'lam, et Allah Azza wa Jal est plus élevé et plus savant. L'affaire de la concrétisation de la piété envers le Seigneur des mondes, Rabbul Alamin, surtout pendant ce mois illustre, noble et béni, se réalise au moyen de beaucoup de choses. Puis le Cheikh, il va d'abord donner une réponse générale, puis une réponse détaillée. Et la réponse générale, il dit, parmi ces choses, eh bien c'est premièrement, c'est que la personne sache quel est le sens de la piété. Car le jugement d'une chose découle de la manière de la concevoir. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. La piété, التقوى, vient linguistiquement, في معناها اللغوي, dans son sens linguistique, du mot وقا, protéger. Et ce sens indique une وقاية. Une wiqaya, une protection. C'est-à-dire une protection et une garde et une prévention de tomber dans quelque chose qui est craint. Shi'in makhouf. Ceci est dans sa réalité, comme ça l'est aussi dans son sens religieux. Car dans les termes, il y a le sens linguistique et le sens religieux. Et justement, le cheikh ici, rahimahullah ta'ala, il dit, car celui qui analyse les sens des versets du Coran, ainsi que les ahadiths nabawiyyah et les ahadiths prophétiques, voit que la taqwa, la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, a une grande relation avec son sens linguistique. On dit d'ailleurs qu'en général, le sens religieux restreint la généralité du sens linguistique ou le conditionne. Ou yuqayyidu. Ici de même, car la taqwa, dans le sens religieux, c'est une protection accompagnée d'une autre chose, qui est de regarder Allah Azza wa Jal lors de cette piété. C'est-à-dire de pratiquer en cherchant par cela la face d'Allah. J'avais déjà expliqué dans un cours précédent que quand les ulama disent chercher la face d'Allah, ibtira awajhillah, Cheikh Al-Uthaymeen a expliqué cela en disant, rahimahullah ta'ala, que c'est-à-dire être sincère envers Allah Azza wa Jal. Donc le Cheikh ici, il dit, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire de pratiquer en cherchant par cela la face d'Allah, en étant sincère, et également avec une lumière, nourun min Allah. Et ici le mot nour, c'est-à-dire une science venant d'Allah Azza wa Jal. Et de délaisser ce qu'il faut délaisser avec une science venant d'Allah, en cherchant par cela aussi la face d'Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en étant sincère. C'est donc une protection accompagnée d'une sincérité, d'une recherche de la face d'Allah, et avec une science venant d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné à toi, mon frère, ma sœur, une chose, et donc la piété, c'est que tu concrétises cette chose qu'Allah t'a ordonnée, autant que tu le peux. Et Allah Azza wa Jal t'a interdit des choses. La réalité de la piété est donc que tu t'écartes, mon frère, ma sœur en Allah Azza wa Jal, de ce qu'Allah le Très-Haut a interdit. Si l'individu concrétise cela, il aura alors concrétisé at-taqwa, la piété. Faqad haqqaqa at-taqwa. Il aura alors concrétisé, réalisé la piété. Une parole a été rapportée de certains pieux prédécesseurs dont le sens rejoint ce sens-ci. Et c'est que quelqu'un lui a demandé, c'est quoi la taqwa? Il a répondu, imagine-toi que tu es sur une terre sur laquelle il y a des épines. Et que toi tu marches et tu te protèges et tu protèges tes pieds contre ces épines. Ceci fait partie de la taqwa. De même, l'individu dans son cheminement vers Allah le Très-Haut, as-sayr ila Allah. Fisirihi ilallah azza wa jal. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le dernier été, on a eu Cheikh Salim Ibn Mahrez qui était venu, hafidahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, qui est venu chez nous au Merkez al-Furqan, et on a fait tout un séminaire, toute une série de cours qui sont disponibles sur le site merkezalfurqan.be, où il a expliqué le fameux poème de l'imam Sa'di rahimahullah, qui est justement sur le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mandoumat as-sayri ila Allah. Le poème dû sur le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh dit ici, de même l'individu, dans son cheminement vers Allah le Très-Haut, il passe près d'épines. Mais ces épines sur le chemin vers Allah sont plus dures que les autres épines matérielles. Car elles peuvent être vues, les épines matérielles qu'on voit sur la terre quand on marche, elles peuvent être vues. Et donc l'individu peut, autant qu'il en a la capacité, s'en préserver. Et s'il venait en toucher une, il retirait rapidement son pied en raison de sa douleur. Car les choses matérielles sont plus sévères pour le cœur en termes de connaissance et de certitude. Al-ma'rifa wal-yaqin. Quant aux choses immatérielles, comme les ordres qu'Allah t'a donnés et ses interdits au sujet desquels il t'a ordonné de t'en écarter, eh bien imagine-toi que tu chemines vers Allah, sur ton cheminement vers Allah Azza wa Jal, et que devant toi, tu as ces choses qu'Allah t'a interdites d'y tomber. Eh bien, toi, tu chemines vers Allah en te protégeant, tattaqi. Encore une fois, le mot waqa, wiqaya, taqwa, et ici tattaqi. en te protégeant, t'attaquer, d'y tomber, un taqa'a fiha, de tomber dans l'une des choses qu'Allah t'a interdite, subhanahu wa ta'ala. Si l'individu s'imagine ce sens et a pu le concevoir, il saura alors le sens voulu dans la question au sujet de la taqwa qui était quel est le sens de cette piété, quel est le sens de cette taqwa. Ceci était donc la première chose. La deuxième chose, parmi les choses qui, comme on l'a dit, aident et font qu'on peut concrétiser la piété envers le Seigneur des mondes, surtout pendant ce mois illustre, noble et béni, et comment on peut réaliser cette piété au moyen de ce mois béni, on avait dit que c'était au moins de beaucoup de choses. Et parmi ces choses, on a cité une, maintenant la deuxième, c'est qu'il est donc demandé à la personne de concrétiser la taqwa, la piété, et de craindre Allah le Très-Haut à tout moment et pour toujours. Car la piété fait partie des choses et des actes d'adoration aimés par Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Allah l'aime, Allah il aime la piété. Yuhibbu at-taqwa. Wa yuhibbu al-muttaqin. Et il aime les gens pieux. Allah dit ce dont la traduction du sens est, car Allah aime les pieux. Et c'est la traduction du sens du verset de Surat Ali Imran, verset 76. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala également, ce dont la traduction du sens est, Allah est avec ceux qui sont pieux. Surat Nahl, la traduction du sens du verset 128. Allah est donc avec toi si tu crains Allah Azza wa Jal. Il est avec toi comment? En te préservant. Yahfadouk. Wayahmik. Wayahdik. Il est avec toi en te préservant et en te protégeant et en te guidant et en prenant soin de toi. La piété est donc une affaire désirée et recommandable à tout moment et toujours. Surtout pendant les temps aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi qu'aux endroits aimés, parce qu'il y a des temps qui sont plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a des endroits qui sont plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, là l'amour d'Allah est plus fort pour ces endroits et ces temps spécifiques. Parmi justement ces temps, eh bien il y a le mois de Ramadan. D'accord ? Shahru Ramadan. Allah il dit subhanahu wa ta'ala, c'est dont la traduction du sens est, « Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la taqwa, la piété. » Et c'est surat al-Baqarah, traduction du sens du verset 183. Troisièmement, parmi ces choses justement qui nous aident et qui font qu'on peut concrétiser la piété de manière générale et pendant, ici, de manière particulière pendant ce mois de Ramadan, eh bien c'est justement cette question, comment réaliser la piété pendant le mois de Ramadan? Celui qui analyse le verset cité verra qu'il oriente le serviteur, al-abd, vers ce sens et cette réalité. Al-ma'na wal-haqiqa. Car Allah dit ce dont la traduction du sens est, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Comme l'ont dit les exégètes, c'est-à-dire les ulama du tafsir, parmi les plus prédécesseurs, que ici, la'allakum, la'alla, le mot la'alla, qu'on peut traduire en français par peut-être, lorsqu'il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a le sens de réalisation. C'est-à-dire que certainement, cela ça va se réaliser, c'est pas peut-être. Le sens de cela est que quiconque concrétise le jeûne de la manière qui satisfait Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, obligatoirement, le sens de la piété se concrétise, se réalise pour lui. Voilà donc la réponse de manière générale à notre question qui était, je le rappelle, comment concrétiser la piété pendant le mois de Ramadan. S'il réalise le jeûne, et d'haqqaqa siyam, s'il concrétise le jeûne et le réalise, et s'il s'en acquitte de la manière voulue par Allah le Très-Haut et aimé par lui et qui le satisfait subhanahu wa ta'ala, alors, min thimari taqwa, parmi les fruits de ce jeûne, il y a que l'individu sent et trouve at-taqwa, cette piété qu'Allah l'a incité à concrétiser. Car Allah dit ce dont la traduction du sens est, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'entre vous, d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc si l'individu concrétise as-siyam, le jeûne, et jeûne le mois de Ramadan de la manière aimée et voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela fait partie des moyens les plus importants, min a'zam al-asbab, qui aident à concrétiser la crainte d'Allah le Très-Haut, taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Comme vous avez pu l'entendre, c'est une réponse générale. Quant à la réponse détaillée au sujet des choses qui aident à cela, à la concrétisation de cette piété, de cette taqwa, tahqiq al-taqwa, il y a parmi elles, premièrement, le fait de s'acquitter du jeûne en termes de piliers du jeûne et de conditions. C'est-à-dire que dans cette ibada, il y a des conditions préalables, il y a des piliers. Ça, il faut les apprendre. Si on ne connaît pas les conditions et les piliers du jeûne, eh bien, il se peut qu'on fasse des choses qui annulent le jeûne. Et puis le cheikh dit justement, ici, s'acquitter du jeûne en termes de piliers du jeûne et de conditions, puis, en plus, s'il rajoute à cela des actes recommandés, mais pas obligatoires, quelque chose de mustahab, cela fait aussi partie des choses qui aident à concrétiser la piété. Le serviteur, au plus il s'acquitte de l'acte obligatoire de la bonne manière, puis rajoute à sa suite des actes recommandables, surérogatoires, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires, cela est alors une cause de l'amour d'Allah envers lui. Comme dans d'autres ibadats, on a ce qui est obligatoire et ce qui est du domaine des piliers et des conditions, puis on a ce qui est du domaine du recommandable qui n'est pas obligatoire. Mais le cheikh, il dit ici, et cela fait aussi partie des moyens d'obtenir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il rapporte dans son authentique, d'après un hadith d'Abu Huraira, min hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit. C'est-à-dire qu'ici c'est un hadith qu'on appelle Qudsi. Et ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ici. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien de plus aimé par moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Ce sont donc les actes d'adoration les plus importants qui te rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont une cause de concrétisation de la crainte d'Allah le Très-Haut, qui est justement le sujet de ce cours et de ce rappel. Puis Allah le Très-Haut dit, mon serviteur n'a de cesse, la yazalu abdi, yataqarrabu ilayya bin nawafil, mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires, la yazalu abdi. Et ici, un point linguistique à faire, c'est que dans la langue arabe et chez les arabes, ceci indique la continuité et que cela ne cesse pas. Mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires. C'est-à-dire qu'en plus des actes obligatoires, car le serviteur vertueux et pieux ne se suffit pas des actes obligatoires. Mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires. Ça, c'est une partie du hadith, on va le finir après, inshallah. Donc, ô toi qui jeûnes, toi mon frère, toi ma sœur, en Allah Azza wa Jal, tu t'acquittes de l'obligation de la manière agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu la fais suivre ensuite par des actes surrogatoires. Tu augmentes les dons, les demandes de pardon, istighfar, les prières, la lecture du Coran, la visite des malades, visiter les proches, etc. Tout cela en cherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en étant sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ceci fait partie des grands moyens de concrétiser la piété dans ce mois béni de Ramadan. Allah le Très-Haut dit ce dont la traduction du sens est, c'est toujours par rapport à ce hadith Qudsi qu'on avait cité, qu'on avait commencé à citer. Mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Et ici encore un point linguistique par rapport au mot hatta. Il indique le but, C'est-à-dire que le serviteur ne cesse de faire des efforts dans le cheminement vers Allah afin qu'il obtienne l'amour d'Allah. Mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Il s'est donc acquitté des actes obligatoires, puis fait des actes surrogatoires qui ne sont pas obligatoires, qui sont en plus, qui sont recommandables. Parfois, les prières surrogatoires légiférées, les prières qu'on fait en plus des cinq prières quotidiennes. Et parfois, l'istighfar, le fait de dire « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah. Le tesbih, le fait de dire « Subhanallah ». Le takbir, le fait de dire « Allahu Akbar ». Le tehlil, le fait de dire « La ilaha illallah ». Tout ceci, c'est du dhikr. Et parfois, en récitant le Coran, « Qira'at al-Qur'an », et en lisant le Coran. Et parfois, en aidant les musulmans, etc. Mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il arrive au but pour lequel il a fatigué son corps. Mais de plus, il a donné de ses biens, il a donné de son argent. Il a fatigué, comme on dit, son corps et son esprit. Dans quel but? Afin d'obtenir l'amour d'Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. S'il obtient l'amour d'Allah, qu'en est-il alors? Et je fais un point ici par rapport à la croyance des gens de la sunna du consensus, c'est qu'on croit, et ça fait partie de notre aqida, que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime et il est aimé. Yuhib wa yuhab. Et Allah le Très-Haut dit, jusqu'à ce que je l'aime, et si je l'aime, c'est-à-dire, s'il obtient l'amour d'Allah, qu'en est-il alors? Allah le Très-Haut dit, jusqu'à ce que je l'aime, et si je l'aime. C'est-à-dire que le serviteur devient aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Sara mahbouban. Il fait alors partie des alliés pieux. Min al-awliya al-muttaqin. Car Allah a décrit ses serviteurs alliés et pieux en disant ce dont la traduction du sens est: en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte. Ils ne seront point affligés. Ceux qui croient et qui craignent Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Encore une fois le mot taqwa ici. Yattaqun. Et ça c'est la traduction du sens du verset 62 de sourate Yunus. Regarde donc comme la piété t'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala et comment elle te rapproche d'Allah le Très-Haut. Allah dit ce dont la traduction du sens est ici, c'est le hadith Qudsi, jusqu'à ce que je l'aime, et si je l'aime, et après on va voir la suite du hadith, quelle est cette conséquence si Allah t'aime? Et Shir, il dit justement, il y a là des résultats, des conséquences sublimes, magnifiques. Quelles sont-elles? La protection et la préservation venant d'Allah se réalisent pour le serviteur. Tu as craint Allah dans ton cheminement vers lui. Le résultat, la conséquence, le fruit, le mérite, al-natija, al-thamara, al-fadl, sont donc de la part d'Allah qu'il te donne de sa grâce, min fadlihi subhanahu wa ta'ala, plus et meilleur que ce par lequel toi tu t'es rapproché de lui comme action, et plus important et plus illustre. Pourquoi? Car toi tu as craint Allah jusqu'à ce que tu obtiennes l'amour d'Allah. Et quand Allah il t'aime, quel est le résultat? Quelle est la conséquence? Tu deviens protégé par Allah, par la protection d'Allah envers toi, subhanahu wa ta'ala. Justement, dans la suite du hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et si je l'aime, et écoutez la suite du hadith Qudsi, je deviens, et c'est Allah qui parle ici, je deviens alors son ouïe par laquelle il entend, et je deviens sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il touche, et son pied avec lequel il marche, et s'il venait à me demander quelque chose, je le lui donnerais certes, et s'il cherchait refuge en moi, je lui prêterais certes refuge. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça, Inch'Allah. Regarde donc, le serviteur chemine vers Allah en étant pieux, en s'écartant de ce qui suscite la colère d'Allah. Elle s'éloigne de ce qui l'éloigne d'Allah, comme si c'était une épine au sol, comme on a donné l'exemple tout à l'heure. Il est sur ses gardes et s'en écarte à droite et à gauche, cherchant par cela la face d'Allah le Très-Haut, c'est-à-dire en étant sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah t'aime, il te protège. Si Allah t'aime parce que tu as concrétisé la piété envers Allah, alors il te protège et il te préserve. Et alors se réalise à ton sujet le verset dont la traduction du sens est: Allah est avec ceux qui sont pieux et ceux qui sont bienfaisants. Sourate Nahl, verset 128. Et certains ulama ont dit justement par rapport à ce verset et d'autres que si Allah est avec toi, de quoi vas-tu avoir peur? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Et Cheikh, il dit, est-ce que cela s'est alors réalisé ou pas? Oui, bien sûr, cela s'est réalisé. Car Allah dit, je deviens alors son ouïe par laquelle il entend. Et je deviens sa vue par laquelle il voit. Et sa main avec laquelle il touche. Et son pied avec lequel il marche. Et le sens de cela est qu'Allah le Très-Haut protège le serviteur dans son ouïe, dans ce qu'il entend. Et donc il n'entend que du bien, subhanallah. Il le protège dans sa vue. Et donc il ne voit que le bien. Et il lui protège sa main. Et donc il n'utilise sa main ou ses mains que pour toucher du bien. Il lui préserve ses pieds. Et donc il ne les utilise que pour marcher vers le bien et dans le bien. Donc le serviteur a concrétisé la piété. Et Allah lui a alors concrétisé ce qui se concrétise comme fruit de la piété. Et c'est qu'Allah le protège dans son cheminement vers Allah. Dans son cheminement vers lui, subhanahu wa ta'ala. Il chemine vers Allah après avoir obtenu l'amour d'Allah. En étant protégé par Allah, et Allah est avec lui, en l'aidant et en le protégeant. Donc, ô serviteur, ô toi mon frère, ô toi ma soeur en Allah Azzawajal, nous demandons tous à Allah le Très-Haut qu'il nous aide à concrétiser la piété, et de faire de nous des gens qui s'empressent à l'obéissance à Allah pendant ce mois et pendant les autres moments importants de l'année. Aussi, parmi les choses auxquelles le jeûneur doit prêter attention pendant son jeûne, en plus de ce que nous avons dit, qu'il doit prendre garde à ce qui rompt son jeûne, il doit prendre garde à ce qui affecte aussi son jeûne. Il y a des choses qui annulent le jeûne et puis il y a des choses qui diminuent le jeûne et qui affectent son jeûne. Parmi ces choses, c'est que tu dises une parole fausse, qawl zour, al-kadib, le mensonge, ou que tu fasses une action fausse dans laquelle il y a un péché, un faux témoignage, une contrefaçon, une injustice, un dhulm, qati'atu rahim, une rupture des liens de parenté, un mal envers les gens de bien et musulmans. Char envers toujours al-khair wa l'islam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapport de son Seigneur exalté soit-il, quiconque ne délaisse pas la fausse parole et sa mise en pratique, et l'ignorance, Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ici, un point important par rapport au mot ignorance. Quiconque ne délaisse pas la fausse parole et sa mise en pratique est l'ignorance. Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Et c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud, et la formulation ici est de Abu Daoud. Le mot ignorance, Cheikh Al-Fawzan nous rapporte cette faïda, que le mot ignorance, ici, c'est l'absence de sagesse. Adamul hilm. Car il explique que le Cheikh, hafidhahullah ta'ala, que l'ignorance est de deux catégories. Adam al-ilm ou Adam al-hilm. L'absence de science et l'absence de sagesse. Et ici, ce qui est voulu dans ce hadith, c'est l'absence de sagesse. Quiconque ne délaisse pas la fausse parole et sa mise en pratique et l'ignorance, et l'ignorance ici, on a expliqué, comme Cheikh Al-Fawzan l'a dit, que c'est l'absence de sagesse, Allah n'a aucun besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ici, le terme parole fausse, qawl az-zur, est un terme am, global, qui englobe tout sens qui est faux. Sa mise en pratique englobe la mise en application de ce faux. Allah, il dit, subhanahu wa ta'ala, ce dont la traduction du sens est, ceux qui ne donnent pas de faux témoignages lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité s'en écartent noblement. Sourate Al-Furqan, verset 72. Ils ne donnent pas de faux témoignages et ils ne témoignent pas du faux, de ce qui est répréhensible, Al-Munkar. Fait partie du faux et de ce qui est répréhensible, et donc de ce qui affecte ton jeûne, ô toi qui jeûne, ô toi mon frère, ma soeur qui jeûne en ce mois de Ramadan, est-ce que tu t'en rendes compte ou pas, que tu écoutes les chansons illicites et que tu regardes ce qu'Allah a interdit de regarder en termes de films et de séries télévisées, comme on entend aujourd'hui les programmes du Ramadan. Tout ceci affecte ton jeûne. Et cela indique que tu n'as pas fait d'effort dans la concrétisation de la crainte d'Allah pendant ce mois béni. Mais de plus, tu as laissé ton âme aller où elle veut aller, et toi tu marches derrière elle. Si tu avais concrétisé la piété, tu te serais écarté et tu n'aurais pas trouvé assez de temps qui te suffirait aux bonnes actions et aux actes d'obéissance pendant ce mois. C'est-à-dire que si tu concrétises la piété, tu n'as déjà pas le temps parce qu'il y a tellement de khair à faire et tellement de bonnes actions et d'actes d'obéissance. Le fait amal ta'a ou bien amal ta'at, le fait de mettre en application les actes d'obéissance. La amal salih, les actions vertueuses. Pendant ce mois de Ramadan. Comment donc lâches-tu ton regard et le laisses-tu aller et regardes-tu la télévision avec ce que cela comporte comme vision de débauche qu'il est obligatoire aux musulmans de s'en écarter. Al-Mudhi'a, la présentatrice, elle apparaît sous sa plus belle forme et lui, il regarde comme si de rien n'était. De même pour les séries télévisées dans lesquelles il y a ce qu'il y a en termes de faux, etc. Ceci fait donc partie des choses qui affectent ton jeûne et ta piété. Si tu les délaisses maintenant pour Allah le Très-Haut, même si ton âme les veut et les désire, ton âme elle veut que tu regardes ces séries télévisées. Et cela est encore plus le cas de ceux qui sont éprouvés, l'iman ibtuliya bidhalika, hadil musalsalat ou bihadil musalsalat. Cela est encore plus le cas de ceux qui sont éprouvés par ces séries télévisées. Si tu les délaisses pour Allah, alors tu auras concrétisé la piété à ce sujet. Par Allah, il ne délaissera pas ces choses-là pour Allah, sans qu'il ne trouve que beaucoup de bien touche son cœur et sa pratique de la religion et ses actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par quelque chose de meilleur. Toi, tu délaisses ces séries télévisées, cherchant par cela la face d'Allah. Tu ne cherches de récompense auprès de personne. Allah te donnera mieux que cela en termes de récitation de Coran, d'amour d'Allah, et de son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de sa religion, et de glorification d'Allah, et de vénération de sa religion, et de sa législation, et d'autres choses encore qu'Allah donne à qui il veut parmi ses serviteurs. Notre Seigneur exalté soit-il, est très reconnaissant, Shakur, et récompense le serviteur plus qu'il ne l'imagine. Le serviteur donne quelque chose de minime pour Allah, et Allah le lui multiplie énormément, et c'est cela la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, fadlullah. Regarder ou faire des choses répréhensibles, interdites pendant le mois de Ramadan ou en dehors de ce mois. Il y a des gens, c'est comme s'ils étaient emprisonnés pendant le mois de Ramadan. Depuis le matin, et Allah sait mieux s'il a pris le fajr ou pas, Wallahu alam, s'il a pris le fajr, il dort jusqu'à avant le maghrib, le coucher du soleil, sans prier ni dhuhr ni asr. Est-ce qu'une telle personne a concrétisé le jeûne qu'Allah a voulu de sa part? Est-ce qu'une telle personne a concrétisé la piété qu'Allah a voulu de sa part? Non, il n'a pas concrétisé cela. Mais s'il délaisse cette négligence et se tourne vers Allah le Très-Haut, cherchant par cela la face d'Allah, c'est-à-dire en étant sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah la lui remplacera par quelque chose de meilleur. S'il pouvait dormir dans la journée 10 heures et qu'il délaisse ce sommeil pour Allah, c'est-à-dire qu'il dort moins, il ne trouvera que le bien. Il trouvera la baraka dans le temps qui est moindre. Il dort peu, mais il ressent une force, un grand dynamisme et une énergie. Pourquoi? Car il a délaissé quelque chose pour Allah. Et il a fait quelque chose espérant par cela la face d'Allah en étant sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc la piété. Et cela fait partie de la piété. Parmi les choses qui affectent également le jeûne et sa piété pendant le mois de Ramadan, ce sont les insultes. Et pire encore, le fait de maudire autrui. Al-la'n. Certaines gens, pendant le mois de Ramadan, c'est comme s'ils avaient une montagne sur leur tête. Ils veulent que personne ne lui parle, et que personne ne s'approche de lui, et que personne ne lui adresse la parole. Si quelqu'un lui parle, il lui crie dessus, élève sa voix à son encontre, etc. Ceci ne fait partie en rien du jeûne. Et écoutez ce que va dire le cheikh ici, il dit, le jeûne, c'est l'école du bon comportement, l'école des bonnes manières. Madrasatul khuluq, al-hasan, madrasatul akhlaq, madrasatul adab, madrasatul akhlaq al-hamida, l'école des comportements louables. C'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a attiré l'attention sur ce sujet, en disant au sujet du jeûneur, de celui qui est en état de siyam, as-sa'im, si quelqu'un l'insulte. Il n'a pas dit alors, la rétribution d'une mauvaise action est une mauvaise action similaire. Non, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si quelqu'un l'insulte, qu'il dise, je suis en état de jeûne, inni sa'im. Il y a en cela l'un des sens de la piété à taqwa. C'est-à-dire que c'est comme s'il disait, en répondant, moi je suis en état de jeûne quand il se fait insulter, c'est comme s'il disait, Moi, je suis capable de te rétribuer quant à cette parole que tu m'as dite, que tu m'as insultée. Je suis capable de t'y répondre par une parole similaire ou pire encore. Mais parce que je suis en état de jeûne, mon jeûne et ma crainte d'Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes, Rabbul Alamin, m'interdisent de te répondre par quelque chose de mauvais. Tiens, tu as ce que tu as dit en termes de mal, et tu viendras avec ce mal le jour de la résurrection. Quant à moi, non, je suis en état de jeûne. Quelle belle parole que celle-ci qui indique l'un des sens de la crainte d'Allah, taqwallah, fi hadha shahr al-mubarak, pendant ce mois de Ramadan, béni. Je suis en état de jeûne. Je salue. Un homme insulte alors que toi tu es en état de jeûne. Toi tu réponds, je suis en état de jeûne. Inni sa'im. Je suis en état de jeûne. Sans rajouter quoi que ce soit à cela. Il aura alors honte de sa propre personne et sera mis en déroute. Et s'il y a des gens qui assistent à cette scène, ils seront contre lui et lui diront, aie honte de toi. Il te dit, je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne, et toi tu insultes. C'est donc l'une des portes de la piété, et cela fait partie des causes de la crainte d'Allah, que lorsqu'un individu insulte quelqu'un, il répond, je suis en état de jeûne, etc. Il y a aussi dans ce hadith une indication sur d'autres actions, car toute personne qui subit quelque chose de mauvais parmi les paroles et les actions, il y fait face par le bon comportement. Tu veux la piété envers Allah? Tu veux taqwa? Tu veux taqwa Allah? Tu veux ce qu'il y a auprès d'Allah? Hal turidu ma indallah? Tu veux concrétiser le jeûne? Turidu an tuhaqqiqa as-siyam? Réponds par le bien. Je suis en état de jeûne. Je veux la face d'Allah. Et je ne veux pas affecter mon jeûne en quoi que ce soit. Si le serviteur concrétise cela, il aura alors concrétisé l'un des sens de la piété envers Allah le Très-Haut. Et moi, personnellement, je voudrais ajouter encore un conseil par rapport à ça. Et c'est par rapport à certains de nos frères et de nos sœurs qui sont éprouvés par l'addiction aux jeux vidéo. Comment, subhanallah, on peut pratiquer la sunna et être éprouvé par cela et passer, pour certains, dont même les cas les plus graves, ils ne peuvent plus s'en passer. Au point qu'ils passent la majorité de leur temps à cela. Et ils arrivent peut-être même à délaisser certaines de leurs obligations. Et à délaisser la prière en groupe. Et délaisser des actes qui sont peut-être pour eux obligatoires. Et délaisser peut-être les droits de certains membres de leur famille, en termes de temps et autres. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et souvent, les gens qui ont une addiction à cela, cela sent pire. Cela sent pire. Parce que l'aïdou billah, comme ça arrive au Japon ou dans d'autres pays, il y a certaines personnes qui ne sortent même plus de leur chambre et qui n'ont plus aucun contact avec l'extérieur et qui vivent comme dans une grotte. Et pour même certains, ça va jusqu'à au fait d'oublier de manger, etc. Et certains sont même morts de cela. Ou l'aïdou billah. Le temps, il est précieux chez le musulman. Le temps, il est précieux. Et ces jeux-là sont conçus par ces sociétés-là de manière à ce qu'il y ait une addiction et que les gens ne peuvent plus s'en passer et qu'ils veulent toujours plus et toujours plus et toujours plus. Et on pourrait dire la même chose au niveau des applications et des réseaux sociaux, etc., qui sont conçus d'ailleurs par le même genre de personnes qui conçoivent les jeux vidéo afin qu'il y ait toujours cette récompense qui satisfait la personne et que la personne veut toujours plus. Il y a des likes, aimer, etc., etc., etc. On ne dit pas que les réseaux sociaux sont haram nécessairement, ça dépend de comment ils sont utilisés, mais le musulman, il les utilise dans le khair et que d'une manière limitée, et pas d'une manière qui prend le dessus sur tout son temps, etc. Comme dans les comptes de Dawa, et là on a des comptes de Twitter, Facebook, des marakis, des mosquées, etc., pour donner les temps de prière, pour annoncer les cours, pour annoncer l'entrée du Ramadan, pour annoncer les conférences, les séminaires, les projets, etc. Ou pour même de temps en temps faire un rappel, ou pour rappeler un hadith ou autre, ou donner un lien pour un audio ou un article à lire, etc. Mais ces moyens, ils ont les jugements des buts. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans les travers de ces applications-là qui peuvent être un khair comme elles peuvent être un char, comme l'Internet d'ailleurs. Et quand vous regardez Internet, il y a plus de mal que de bien de toute façon. Mais alhamdoulilah, si le musulman sait ce qu'il fait, il peut tirer un khair de cet Internet en l'utilisant pour le travail, pour garder le contact avec la famille, pour pratiquer sa religion, écouter des cours, écouter le Coran, etc., etc. Donc nous terminons par cette doua. Nous demandons donc tous à Allah le Très-Haut qu'il nous aide à concrétiser le sens de la piété envers lui, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous avons dit suffisant et Allah le Très-Haut est plus savant Gloire et pureté à toi, Allah. Louange à toi, Allah. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré à part toi. Je te demande pardon. Je me repens vers toi. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et donc c'était le cours sous le titre, et un rappel, sous le titre comment concrétiser la piété pendant le mois de Ramadan. Et c'est fait pour Makkaz al-Furqan à Bruxelles en Belgique. L'audio sera disponible prochainement sur le site du Merkez, merkezalfurqan.be, ainsi que le PDF des notes de cours. Comme ça, vous pourrez lire et vous pourrez réécouter, Inch'Allah, ce rappel. Wallahu alam, wa jazakumullahu khairan pour votre temps, et qu'Allah nous facilite tous la concrétisation de cette piété. Et tenez-vous au courant, justement, via les réseaux sociaux et autres, etc., par rapport aux prochains événements au Merkez al-Furqan. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.